Chapitre 11. Depuis des siècles, les dessinateurs à l'Aviérien essaient, en restant sur place, de déplacer des objets ou des personnes grâce au pas sur le côté. Ils n'y sont jamais parvenus. C'est une faculté que seuls les Tzlich possèdent. Ilis Miltruif, maître dessinateur à l'Académie d'Aljet. Par le sang des figés ! S'exclama Bjorn. Je croyais que les ogres les avaient exterminés. Ce ne sont pas les mêmes, expliqua calmement Edwin. Incroyable, lança Maître Duhom qui s'était relevé sur un coude. Deux envois aussi rapprochés. Déplacer une telle masse avec un pas sur le côté représente une tâche épuisante. Ils ont dû s'y mettre tous ensemble. On pourrait presque calculer combien ils sont réellement. Ce n'est pas le moment, trancha Edwin. Le maître d'armes réfléchit brièvement et, une fois de plus, lança ses ordres précis. Et Willan, tu montes Murmure. Et Lana, tu prends le gris du rêveur. Tu es légère, il te supportera malgré sa blessure. Artis, tu laisses le chariot à Maître Duhom et tu prends le cheval de Hans. Salim, tu lances l'attelage à fond. Personne ne doit dépasser la petite. Personne. Il vaudrait mieux que je prenne le gris, proposa Camille. Je suis moins lourde qu'Elana. Non, trancha Edwin. Hors de question. Bjorn, Maniel, à l'arrière avec moi. Nous éviterons le contact, mais ils ne doivent pas nous doubler, d'accord ? Ils sont loin et à pied, remarqua Bjorn. Nous sommes à cheval. Attends de les voir courir sur terrain plat, tu comprendras. Cessez de discuter, dépêchez-vous. Salim arrêta l'attelage et Camille se hissa sur Murmure. Couche-toi sur son encolure, lui conseilla Elana, et laisse-le faire. La jeune femme chuchota quelques mots à l'oreille de son cheval, puis monta sur le gris en ménageant son flanc blessé. En avant ! Hurla Edwin. Ils s'élancèrent. Ils crurent un moment qu'ils distanceraient la horde de Raï. Les chevaux filaient comme le vent et l'intervalle qui les séparait de leurs ennemis s'accroissait. Ils galopèrent ainsi pendant plus d'une demi-heure, puis peu à peu, la fatigue de deux jours et une nuit passée à marcher se fit sentir. Le chariot commença à ralentir malgré les efforts de Salim pour motiver Cocotte et Bourrichon. Camille se retourna. Les Raï avaient rattrapé la moitié de leur retard. Ils couraient en hurlant et en gesticulant, sans manifester le moindre signe de fatigue. Le chariot était maintenant au niveau des trois derniers cavaliers. Camille lut l'anxiété sur le visage de son amie. Elle se rappela les mots qu'avait prononcés Maître Duhom. Pour sauver Willan, Edwin serait prêt à tous nous sacrifier. Il ne lèverait pas le petit doigt pour nous, si cela devait compromettre les chances d'éveiller les figés. Elle se redressa légèrement et murmure ralenti. Elana, qui chevauchait juste derrière elle, dut tirer sur ses rênes pour ne pas la doubler. « Que fais-tu ?» lui demanda la jeune femme. En guise de réponse, Camille diminua encore son allure. Elle se retrouva à la hauteur d'Edwin. La colère déformait les traits du maître d'armes. « Accélère, folle que tu es !» s'emporta-t-il. « Ils seront bientôt sur nous !» Mais la décision de Camille était inébranlable. « Non !» hurla-t-elle. « Je ne quitte pas Salim. S'il doit être rattrapé, je reste avec lui !» À leur tour, les chevaux de Maniel et de Bjorn ralentirent. Les deux étalons, malgré leur puissance, peinaient sous le poids de leurs cavaliers. La passe de la goule était proche, mais pas suffisamment pour qu'ils l'atteignent avant que les Raïs ne les rattrapent. Edwin hésita un instant, puis se décida. Il saisit son arc. « Elana !» appela-t-il. La jeune femme comprit. Elle cala la vitesse de sa monture sur celle du chariot et se baissa. Elle happa son sac et s'empara des trois tronçons de son arc. Elle le monta en quelques secondes et Camille admira son extraordinaire habileté sur le dos d'un cheval. Elle se rangea ensuite près d'Edwin. « Ne dépassez pas la passe de la goule !» cria Edwin. « Il faudra combattre là-bas !» Le maître d'armes et la marchombre retinrent alors leurs chevaux, laissant les autres filer devant. Bientôt, les Raïs ne furent plus qu'à une vingtaine de mètres d'eux. Edwin donna le signal du tir. Il se tourna, ne gardant le contrôle de sa monture qu'avec les genoux. Il banda son arc, lâcha une flèche. Le chef de meute s'écroula. Les autres ne s'en préoccupèrent pas. Ils enjambèrent son corps et accélérèrent encore. Elana tira à son tour. Un deuxième rail tomba. Il fallait aux cavaliers une prodigieuse dextérité pour se maintenir en selle, diriger leur monture, conserver leur avance tout en visant avec autant d'efficacité. Malgré la difficulté, à chaque flèche tirée, un rail mordait la poussière. La horde finit par hésiter et le chariot reprit un peu d'avance. Les dentelles vives étaient maintenant toutes proches. La piste s'engageait dans un étroit passage aux parois abruptes et ressortait dans la prairie, une centaine de mètres plus loin. Camille se retourna une nouvelle fois. La stratégie d'Edwin fonctionnait. Ils auraient le temps d'atteindre les premiers rochers. Derrière eux, Elana tira sa dernière flèche. Elle talonna son cheval qui reprit sa pleine vitesse et rejoignit le groupe comme Salim engageait l'attelage dans la passe. Bjorn et Maniel étaient déjà en position. À eux deux, ils barraient quasiment le passage. Elana se plaça à leur côté, le poignard de Camille à la main. « Vous ne regrettez pas vos armures, les gars ?» s'enquit-elle. « Et comment ?» gémit Maniel. « Je me sens tout nu !» Edwin arriva, précédant d'une cinquantaine de mètres la horde Raï. Il restait encore plusieurs dizaines de guerriers et le combat s'annonçait difficile. Camille courut vers Maître Douaume. « Vous ne croyez pas que je peux dessiner ?» le pressa-t-elle. « Il faut les aider !»« N'en fais rien, je t'en conjure !» répondit le vieil homme. « Les Tzlich ont envoyé cette horde au cas improbable où tu aurais survécu à leur première attaque. Si tu dessines, ils sauront que tu es vivante, te localiseront et dans la seconde, nous aurons affaire à trois fois plus d'ennemis. » Il y eut une suite de hurlements et les Raïs les percutèrent. Elana avait reculé d'un pas pour laisser sa place à Edwin, plus à l'aise qu'elle dans ses affrontements statiques. Pendant un moment, Camille crut que l'impossible se réalisait, que les hommes allaient réussir à défaire la horde Raï. Les trois défenseurs étaient de redoutables combattants. Leurs armes étincelaient, formant une barrière mortelle, et les cadavres de leurs ennemis ne tardèrent pas à s'accumuler à leurs pieds. Pourtant, malgré leur force, ils ne pouvaient résister indéfiniment. La lance de Maniel se coinça dans une armure et lui fut arrachée des mains. Une masse le heurta sur le côté de la tête et il s'écroula, ruisselant de sang. Elana prit sa place à l'instant précis où un Raï parvenait à ceinturer Bjorn. Un deuxième leva une serpe géante et la marchombre abattit son poignard. Au grand soulagement de Bjorn, la lame trancha la serpe et le bras. Le chevalier se dégagea et le combat reprit encore plus violent. Les Raïs, bien qu'animés d'une monstrueuse sauvagerie, hésitaient à s'en prendre à Edwin. Le maître d'armes virevoltait, parait, taillait et semblait intouchable. Une blessure finit toutefois par apparaître sur son épaule, suffisamment profonde pour que le sang passe l'armure. Au même instant, Bjorn se plia en deux. La lame d'un coutelas plantée dans l'abdomen. Le chevalier recula de trois pas en titubant. Salim courut vers lui. « Bjorn !» cria-t-il. « Ça va, bonhomme, ça va, ne t'inquiète pas. » Edwin et Elana tentaient de tenir en respect le reste de la horde Raï, mais leur tâche était incroyablement difficile. La jeune femme, qui avait retrouvé un champ d'action plus large, tourbillonnait, bondissait, tentant de compenser par sa vivacité l'absence de Bjorn. Elle avait renoncé à utiliser deux couteaux, ne conservant que celui dessiné par Camille. La lame faisait des merveilles. Néanmoins, Araï réussit à percer le barrage. Il fonça vers le chariot et Artis Valpierre poussa un cri. Bjorn, tout en compressant sa blessure, leva sa hache. L'effort le fit chanceler. Son bras retomba et il lâcha son arme. Salim vit le Raï se précipiter sur le chevalier. C'était un être trapu et musculeux aux faciès déformés par la rage. Sa bouche grande ouverte laissait voir une double rangée de crocs redoutables et deux cornes pointues sortaient de son front. Il était armé d'une épée courte, qu'il brandissait au-dessus de sa tête. Il bouscula Bjorn, qui s'écroula. Dans un geste désespéré, le chevalier tendit la main vers le manche de son arme favorite sans réussir à l'atteindre. Ce fut Salim qui s'en empara. La peur de voir son ami mourir décupla ses forces. Il amena la hache à la hauteur de sa hanche et mit toute son énergie dans un mouvement de pivot. Le fer de l'arme frappa le Raï sous le bras, juste au défaut de l'armure. Salim hoqueta en voyant la plaie béante et le flot de sang qui en jaillit, mais Bjorn était sauf. Le Raï s'effondra, mort. À l'entrée de la passe, les choses tournaient mal. Edwin avait reçu une deuxième blessure, au bras cette fois, et ne combattait plus que d'une main. Elana évitait de plus en plus difficilement les attaques. La fin paraissait inévitable. Un nombre impressionnant de Raïs gisait pourtant au sol, mais ils étaient encore une vingtaine debout qui attaquaient sans relâche. Soudain, l'un d'entre eux s'écroula, la hampe d'une flèche saillant de la nuque. Un autre tomba, puis un autre, et un autre encore, tous criblés de flèches. Il y eut un flottement dans les rangs Raïs, et Edwin en profita. Son sabre sembla reprendre vie, et il se remit à moissonner autour de lui. Une nouvelle volée de flèches tirée par d'invisibles alliés faucha une dizaine de Raïs, et tout à coup, ils ne furent plus que deux qu'Edwin anéantit. Un silence complet s'établit alors sur le champ de bataille. Elana, épuisée, se tenait les côtes en essayant de retrouver son souffle pendant qu'Artis s'agenouillait près de Bjorn. Edwin repoussa plusieurs cadavres Raïs pour dégager le corps de Maniel. Le soldat avait une vilaine blessure sur le côté de la tête et ne bougeait plus. Edwin se pencha sur lui. Il palpa son cou et soupira de soulagement en sentant battre son pouls. Il finit de le libérer et contempla le massacre. Il y avait là une cinquantaine de Raïs, ce qui, en comptant ceux abattus sur la piste, portait leur nombre total à presque 80. Les Tzich leur avaient envoyé 2 hordes. Edwin se baissa et passa ses bras sous le corps de Maniel. Ses propres blessures lui tirèrent une grimace, mais il réussit à soulever le soldat malgré son poids et à le porter jusqu'au chariot. Il l'installa à côté de Maître Duhom. L'affrontement avait marqué le vieil analyste. La tension avait augmenté ses douleurs et il avait beaucoup de difficultés à respirer. « Des flèches, Faël !» indiqua Elana en ramassant un trait. « Oui, » répondit Edwin. « Les Faëls sont là-haut, cachés dans les rochers. » Camille s'approcha du maître d'armes. « Qu'allons-nous faire ?»« Nous n'avons pas le choix. La nuit tombera dans un quart d'heure. Bjorn et Maniel sont blessés, Duhom malade, et si je t'annonce que nous partons tous les deux, tu vas hurler. Nous allons traverser la passe de la Goule pour nous éloigner de ce carnage. Nous planterons le camp et aviserons demain. Voilà ce que nous allons faire. » Sa voix était dure, son visage tendu. « Je suis désolée pour tout à l'heure, » s'excusa Camille. « C'est inutile, tu as le droit d'avoir tes propres convictions. De toute façon, cela n'a pas changé grand-chose. »« Ce sont vraiment des Faëls qui ont tiré ces flèches ?»« Oui. »« Pourquoi ne descendent-ils pas ?»« Qui sait, ce sont les êtres les plus impénétrables que je connaisse. Il se peut que nous ne les voyons jamais. » Artis Valpierre avait soigné Bjorn. La blessure du chevalier ne saignait plus, et bien qu'il soit incapable seul de tenir debout, sa vie n'était plus en danger. Le rêveur se pencha ensuite sur Maniel. « Cet homme est en granit !» finit-il par déclarer. « Il n'a rien !»« Comment ça ?» s'étonna Elana. « Et ce sang ? Pourquoi est-il inconscient ?»« Il est assommé, voilà tout. Le coup qu'il a reçu aurait dû lui fendre le crâne. Il ne saigne déjà plus. » Dans une heure, il se réveillera avec une simple migraine. Salim aida Bjorn à regagner le chariot. Le chevalier était livide, et le garçon, inquiet, ne se permit pas la moindre boutade. Il prit ensuite les rênes et conduisit l'attelage de l'autre côté de la Goule. La prairie reprenait, guère différente de celle qu'il venait de quitter. Du moins, c'est ce qu'il devina dans l'obscurité qui s'installait. Ils dressèrent un camp sommaire et partagèrent, pour ceux qui en avaient la force, un maigre repas. Maître Duhom semblait plus mort que vif, et Artis, après avoir soigné Edwin, ne quitta plus son chevet. Comme l'avait prévu le rêveur, Maniel retrouva rapidement ses esprits. Il s'assit en se massant le crâne et jeta des regards étonnés autour de lui. Salim et Camille lui racontèrent la fin de l'affrontement. « Des Faëls ?» s'étonna le soldat. « Ils sont toujours là ?»« Oui, » répondit Edwin. Ils ont traversé les dentelles vives par le sommet. Je les ai entendus il y a un moment. Ils se tiennent juste au-dessus de nous. Il n'est plus temps de parler, continua-t-il. Je veux que vous preniez tous du repos. Et la garde ? S'étonna Elana. Je m'en occupe, répondit le maître d'armes. Mais je ne crois pas qu'il y ait du danger cette nuit. Les bêtes sauvages ont de quoi se repaître de l'autre côté de la passe, et les Tzich ne peuvent pas nous envoyer indéfiniment leurs tueurs. Et puis, poursuivit-il après un silence. Si les Faëls ont fait l'effort de nous venir en aide, on peut imaginer qu'ils nous soutiendront encore si nécessaire. Camille était épuisée. Elle sentit le sommeil déferler et l'entraîner. La dernière chose qu'elle emporta avec elle fut l'image d'Edwin et Elana assis côte à côte sur un gros rocher qui surplombait le camp.